trop, elle est tellement bad. Faut que je lui dise des mots d'amour. Balance-le. Elle est ma petite star. Ma petite star. Petite star. Elle m'emmène et je pars, baby. Elle me donne du love, love, love. Elle m'en fait voir de toutes les couleurs. Elle me donne du love, love, love. Elle m'aide à prendre de la hauteur. Elle me donne du love, love, love. Elle a pas de mal à m'emmener ailleurs. Elle me donne du love, love, love. Elle me donne du love, love, love. J'aime quand elle se colle, se réfugie au creux de ma main. Qu'elle s'abandonne et me donne le meilleur de son parfum. Je sais qu'elle vient de très loin. Elle ne fait pas de moi un autre homme, mais avec elle je suis bien. Certains me disent qu'elle représente un vrai danger, qu'elle me maîtrise, mais je ne veux pas m'arrêter. Elle me donne du love, love, love. Elle a pas de mal à m'emmener ailleurs. Elle me donne du love, love, love. Elle m'aide à prendre de la hauteur. Pourquoi aller trop vite? M'emballer dès le départ, ce serait gâcher la suite. Faudrait que j'apprenne à gérer mes limites. Quand elle approche, je me lève, je ne prends jamais la fuite. Elle m'emmène dans des rêves aux parfums illicites. Parfois je l'avoue, je ne sais plus où j'habite. Avec elle, faut être prêt pour le grand vide. Certains me disent qu'elle finira par me tuer. Mais tant qu'elle me grise, je la laisse. Elle me donne du love, love, love. Elle m'en fait voir de toutes les couleurs. Elle me donne du love, love, love. Elle m'aide à prendre de la hauteur. Elle me donne du love, love, love. Elle a pas de mal à m'emmener ailleurs. Elle me donne du love, love.